Les Misérables, Fantine, Livre 5e, La Descente. Chapitre 1. Histoire d'un progrès dans les verroteries noires. Cette mère, cependant, qui, au dire des gens de Montfermeil, semblait avoir abandonné son enfant, que devenait-elle? Où était-elle? Que faisait-elle? Après avoir laissé sa petite Cosette au Thénardier, elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. C'était, on se le rappelle, en 1818. Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. Depuis 2 ans environ, il s'y était accompli un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays. Ce détail importe, et nous croyons utile de le développer. Nous dirions presque de le souligner. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui réagissaient sur la main-d'œuvre. Au moment où Fantine revint à Montreuil-sur-Mer, une transformation inouïe s'était opérée dans cette production des articles noirs. Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine et, pour les bracelets en particulier, les coulants en tôle simplement rapprochés aux coulants en tôle soudés. Ce tout petit changement avait été une révolution. Ce tout petit changement, en effet, avait prodigieusement réduit le prix de la matière première, ce qui avait permis, premièrement, d'élever le prix de la main-d'œuvre, bien fait pour le pays. Deuxièmement, d'améliorer la fabrication, avantage pour le consommateur. Troisièmement, de vendre à meilleur marché tout en triplant le bénéfice, profit pour le manufacturier. Ainsi, pour une idée, 3 résultats. En moins de 3 ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département. De son origine, on ne savait rien. De ses commencements, peu de choses. On comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus. C'est de ce mince capital, mis au service d'une idée ingénieuse, fécondée par l'ordre et par la pensée, qu'il avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays. À son arrivée à Montreuil-sur-Mer, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier. Il paraît que le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer, à la tombée d'un soir de décembre, le sac au dos et le bâton d'épine à la main, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé, au péril de sa vie, 2 enfants, qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie. Ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le Père Madeleine. Chapitre 2. Madeleine. C'était un homme d'environ 50 ans, qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Voilà tout ce qu'on en pouvait dire. Grâce au progrès rapide de cette industrie qu'il avait si admirablement remaniée, Montreuil-sur-Mer était devenu un centre d'affaires considérable. L'Espagne, qui consomme beaucoup de jais noirs, y commandait chaque année des achats immenses. Montreuil-sur-Mer, pour ce commerce, faisait presque concurrence à Londres et à Berlin. Les bénéfices du père Madeleine étaient tels que dès la deuxième année, il avait pu bâtir une grande fabrique, dans laquelle il y avait deux vastes ateliers, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Quiconque avait faim pouvait s'y présenter et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain. Le père Madeleine demandait aux hommes de la bonne volonté, aux femmes des mœurs pures, à tous de la probité. Il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes et que les filles et les femmes puissent rester sages. Sur ce point, il était inflexible. C'était le seul où il fût en quelque sorte intolérant. Il était d'autant plus fondé à cette sévérité que Montreuil-sur-Mer étant une ville de garnison, les occasions de corruption abondaient. Du reste, sa venue avait été un bienfait, et sa présence était une providence. Avant l'arrivée du père Madeleine, tout languissait dans le pays. Maintenant, tout y vivait de la vie saine du travail. Une forte circulation échauffait tout et pénétrait partout. Le chômage et la misère étaient inconnus. Il n'y avait pas de poche si obscure où il n'y eût un peu d'argent, pas de logis si pauvre où il n'y eût un peu de joie. Le père Madeleine employait tout le monde. Il n'exigeait qu'une chose, soyez honnête homme, soyez honnête fille. Comme nous l'avons dit, au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot, le père Madeleine faisait sa fortune. Mais, chose assez singulière dans un simple homme de commerce, il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de 630 000 francs placée à son nom chez Lafitte. Mais avant de se réserver ces 630 000 francs, il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres. L'hôpital était mal doté. Il y avait fondé 10 lits. Montreuil-sur-Mer est divisé en ville haute et ville basse. La ville basse qu'il habitait n'avait qu'une école, méchante masure qui tombait en ruine. Il en avait construit 2, une pour les filles, l'autre pour les garçons. Il allouait de ses deniers aux 2 instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel. Et un jour, à quelqu'un qui s'en étonnait, il dit « Les 2 premiers fonctionnaires de l'État, c'est la nourrice et le maître d'école. » Il avait créé à ses frais une salle d'asile, chose alors presque inconnue en France, et une caisse de secours pour les ouvriers vieux et infirmes. Sa manufacture étant un centre, un nouveau quartier, où il y avait bon nombre de familles indigentes, avait rapidement surgi autour de lui. Il y avait établi une pharmacie gratuite. Dans les premiers temps, quand on le vit commencer, les bonnes âmes dirent « C'est un gaillard qui veut s'enrichir ». Quand on le vit enrichir le pays avant de s'enrichir lui-même, les mêmes bonnes âmes dirent « C'est un ambitieux ». Cela semblait d'autant plus probable que cet homme était religieux et même pratiquait dans une certaine mesure, chose fort bien vue à cette époque. Il allait régulièrement entendre une basse messe tous les dimanches. Le député local, qui flairait partout des concurrences, ne tarda pas à s'inquiéter de cette religion. Ce député, qui avait été membre du corps législatif de l'Empire, partageait les idées religieuses d'un père de l'oratoire, connu sous le nom de Fouché, duc d'Otrante, dont il avait été la créature et l'ami. À huis clos, il riait de Dieu doucement. Mais quand il vit le riche manufacturier Madeleine aller à la basse messe de 7 heures, il entrevit un candidat possible et résolut de le dépasser. Il prit un confesseur jésuite et alla à la grand-messe et à vêpres. L'ambition en ce temps-là était, dans l'acception directe du mot, une course au clocher. Les pauvres profitèrent de cette terreur comme le bon Dieu, car l'honorable député fonda aussi 2 lits à l'hôpital, ce qui fit 12. Cependant, en 1819, le bruit se répandit un matin dans la ville que, sur la présentation de monsieur le préfet et en considération des services rendus au pays, le père Madeleine allait être nommé par le roi maire de Montreuil-sur-Mer. Ceux qui avaient déclaré ce nouveau venu un ambitieux saisirent avec transport cette occasion que tous les hommes souhaitent de s'écrier « Là, qu'est-ce que nous avions dit ?» Tout Montreuil-sur-Mer fut en rumeur. Le bruit était fondé. Quelques jours après, la nomination parut dans le Moniteur. Le lendemain, le père Madeleine refusa. Dans cette même année 1819, les produits du nouveau procédé inventé par Madeleine figurèrent à l'exposition de l'industrie. Sur le rapport du jury, le roi nomma l'inventeur chevalier de la Légion d'honneur. Nouvelle rumeur dans la petite ville. Eh bien, c'est la croix qu'il voulait. Le père Madeleine refusa la croix. Décidément, cet homme était une énigme. Les bonnes âmes se tirèrent d'affaire en disant « Après tout, c'est une espèce d'aventurier. » On l'a vu. Le pays lui devait beaucoup. Les pauvres lui devaient tout. Il était si utile qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'honorer. Et il était si doux qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'aimer. Ses ouvriers en particulier l'adoraient. Et il portait cette adoration avec une sorte de gravité mélancolique. Quand il fut constaté riche, les personnes de la société le saluèrent et on l'appela dans la ville Monsieur Madeleine. Ses ouvriers et les enfants continuèrent de l'appeler le Père Madeleine, et c'était la chose qui le faisait le mieux sourire. À mesure qu'il montait, les invitations pleuvaient sur lui. La société le réclamait. Les petits salons guindés de Montreuil-sur-Mer, qui, bien entendu, se fussent dans les premiers temps fermés à l'artisan, s'ouvrirent à 2 battants au millionnaire. On lui fit 1000 avances. Il refusa. Cette fois encore, les bonnes âmes ne furent point empêchées. « C'est un homme ignorant et de basse éducation. On ne sait d'où cela sort. » Il ne saurait pas se tenir dans le monde. Il n'est pas du tout prouvé qu'il sache lire. Quand on l'avait vu gagner de l'argent, on avait dit « C'est un marchand ». Quand on l'avait vu semer son argent, on avait dit « C'est un ambitieux ». Quand on l'avait vu repousser les honneurs, on avait dit « C'est un aventurier ». Quand on le vit repousser le monde, on dit « C'est une brute ». En 1820, 5 ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants, le vœu de la contrée fut tellement unanime, que le roi le nomma de nouveau maire de la ville. Il refusa encore. Mais le préfet résista à son refus. Tous les notables vinrent le prier. Le peuple en pleine rue le suppliait. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. On remarqua que ce qui parut surtout le déterminer, ce fut l'apostrophe presque irritée d'une vieille femme du peuple qui lui cria du seuil de sa porte avec humeur « Un bon maire, c'est utile. Est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire ?» Ce fut là la 3e phase de son ascension. Le père Madeleine était devenu monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine devint monsieur le maire. Chapitre 3. Somme déposée chez Laffitte. Du reste, il était demeuré aussi simple que le premier jour. Il avait les cheveux gris, l'œil sérieux, le teint hâlé d'un ouvrier, le visage pensif d'un philosophe. Il portait habituellement un chapeau à bord large et une longue redingote de gros drap boutonnée jusqu'au menton. Il remplissait ses fonctions de maire, mais hors de là, il vivait solitaire. Il parlait à peu de monde, il se dérobait aux politesses, saluait de côté, s'esquivait vite, souriait pour se dispenser de causer, donnait pour se dispenser de sourire. Les femmes disaient de lui « Quel bon ours !» Son plaisir était de se promener dans les champs. Il prenait ses repas toujours seul, avec un livre ouvert devant lui où il lisait. Il avait une petite bibliothèque bien faite. Il aimait les livres. Les livres sont des amis froids et sûrs. À mesure que le loisir lui venait avec la fortune, il semblait qu'il en profitât pour cultiver son esprit. Depuis qu'il était à Montreuil-sur-Mer, on remarquait que d'année en année, son langage devenait plus poli, plus choisi et plus doux. Il emportait volontiers un fusil dans ses promenades, mais il s'en servait rarement. Quand cela lui arrivait par aventure, il avait un tir infaillible qui effrayait. Jamais il ne tuait un animal inoffensif. Jamais il ne tirait un petit oiseau. Quoiqu'il ne fût plus jeune, on comptait qu'il était d'une force prodigieuse. Il offrait un coup de main à qui en avait besoin, relevait un cheval, poussait à une roue embourbée, arrêtait par les cornes un taureau échappé. Il avait toujours ses poches pleines de monnaie en sortant et vides en rentrant. Quand il passait dans un village, les marmots des guenillers couraient joyeusement après lui et l'entouraient comme une nuée de moucherons. On croyait deviner qu'il avait dû vivre jadis de la vie des champs, car il avait toutes sortes de secrets utiles qu'il enseignait aux paysans. Il leur apprenait à détruire la teigne des blés en aspergeant le grenier et en inondant les fentes du plancher d'une dissolution de sel commun, et à chasser les charançons en suspendant partout, aux murs et aux toits, dans les héberges et dans les maisons, de l'orvio en fleurs. Il avait des recettes pour extirper d'un champ la luzette, la nielle, la vesse, la gavrole, la queue de renard, toutes les herbes parasites qui mangent le blé. Il défendait une lapinière contre les rats rien qu'avec l'odeur d'un petit cochon de Barbarie qu'il y mettait. Un jour, il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties. Il regarda ce tas de plantes déracinées et déjà desséchées et dit « C'est mort. Cela serait pourtant bon si l'on savait s'en servir. Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Quand elle vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d'ortie vaut la toile de chanvre. Hachée, l'ortie est bonne pour la volaille. Broyée, elle est bonne pour les bêtes à cornes. La graine de l'ortie, mêlée au fourrage, donne du luisant au poil des animaux. La racine, mêlée au sel, produit une belle couleur jaune. C'est du reste un excellent foin qu'on peut faucher deux fois. Et que faut-il à l'ortie? Peu de terre, nul soin, nulle culture. Seulement la graine tombe à mesure qu'elle mûrit et est difficile à récolter. Voilà tout. Avec quelque peine qu'on prendrait, l'ortie serait utile. On la néglige, elle devient nuisible. Alors on la tue. Que d'hommes ressemblent à l'ortie. Il ajouta après un silence, « Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Les enfants l'aimaient encore, parce qu'il savait faire de charmants petits ouvrages avec de la paille et des noix de coco. Quand il voyait la porte d'une église tendue de noir, il entrait. Il recherchait un enterrement, comme d'autres recherchent un baptême. Le veuvage et le malheur d'autrui l'attiraient à cause de sa grande douceur. Il se mêlait aux amis en deuil, aux familles vêtues de noir, aux prêtres gémissant autour d'un cercueil. Il semblait donner volontiers pour texte à ses pensées ces psalmodies funèbres pleines de la vision d'un autre monde. L'œil au ciel, il écoutait. avec une sorte d'aspiration vers tous les mystères de l'infini. Ces voix tristes qui chantent sur le bord de l'abîme obscur de la mort. Il faisait une foule de bonnes actions en se cachant, comme on se cache pour les mauvaises. Il pénétrait à la dérobée le soir dans les maisons, il montait furtivement des escaliers. Un pauvre diable, en rentrant dans son galetas, trouvait que sa porte avait été ouverte, quelquefois même forcée dans son absence. Le pauvre homme se récriait. « Quelque malfaiteur est venu !» Il entrait, et la première chose qu'il voyait, c'était une pièce d'or oubliée sur un meuble. Le malfaiteur qui était venu, c'était le père Madeleine. Il était affable et triste. Le peuple disait « Voilà un homme riche qui n'a pas l'air fier. Voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content. » Quelques-uns prétendaient que c'était un personnage mystérieux et affirmaient qu'on n'entrait jamais dans sa chambre, laquelle était une vraie cellule d'anachorète, meublée de sabliers ailés et enjolivée de tibias en croix et de têtes de mort. Cela se disait beaucoup, si bien que quelques jeunes femmes élégantes et malignes de Montreuil-sur-Mer vinrent chez lui un jour et lui demandèrent « Monsieur le maire, montrez-nous donc votre chambre, on dit que c'est une grotte. » Il sourit et les introduisit sur le champ dans cette grotte. Elles furent bien punies de leur curiosité. C'était une chambre garnie tout bonnement de meubles d'acajou assez laids, comme tous les meubles de ce genre, et tapissée de papier à 12 sous. Elles n'y purent rien remarquer que 2 flambeaux de forme vieille qui étaient sur la cheminée et qui avaient l'air d'être en argent, car ils étaient contrôlés. Observation pleine de l'esprit des petites villes. On n'en continua pas moins de dire que personne ne pénétrait dans cette chambre et que c'était une caverne d'ermite, un rêvoir, un trou, un tombeau. On se chuchotait aussi qu'il avait des sommes immenses déposées chez Laffitte, avec cette particularité qu'elles étaient toujours à sa disposition immédiate. De telle sorte, ajoutait-on, que M. Madeleine pourrait arriver un matin chez Laffitte, signer un reçu et emporter ses 2 ou 3 millions en 10 minutes. Dans la réalité, ces 2 ou 3 millions se réduisaient, nous l'avons dit, à 630 ou 640 000 francs. Chapitre 4. Monsieur Madeleine en deuil. Au commencement de 1821, les journaux annoncèrent la mort de Monsieur Myriel, évêque de Digne, surnommé Monseigneur Bienvenu, et trépassé en odeur de sainteté à l'âge de 82 ans. L'évêque de Digne, pour ajouter ici un détail que les journaux omirent, était, quand il mourut, depuis plusieurs années aveugle, et content d'être aveugle, sa sœur étant près de lui. Disons-le en passant, être aveugle et être aimé, c'est en effet, sur cette terre où rien n'est complet, une des formes les plus étrangement exquises du bonheur. Avoir continuellement à ses côtés une femme, une fille, une sœur, un être charmant, qui est là parce que vous avez besoin d'elle et parce qu'elle ne peut se passer de vous. Ce savoir indispensable à qui nous est nécessaire, pouvoir incessamment mesurer son affection à la quantité de présence qu'elle nous donne et se dire « Puisqu'elle me consacre tout son temps, c'est que j'ai tout son cœur. » Voir la pensée à défaut de la figure, constater la fidélité d'un être dans l'éclipse du monde, percevoir le frôlement d'une robe comme un bruit d'aile, l'entendre aller et venir, sortir, rentrer, parler, chanter, et songer qu'on est le centre de ses pas, de cette parole, de ce chant, manifester à chaque minute sa propre attraction, se sentir d'autant plus puissant qu'on est plus infirme, devenir dans l'obscurité, et par l'obscurité, l'astre autour duquel gravite cet ange, peu de félicité égale celle-là. Le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. Aimé pour soi-même. Disons mieux, aimé malgré soi-même. Cette conviction, l'aveugle là. Dans cette détresse, être servi, c'est être caressé. Lui manque-t-il quelque chose? Non. Ce n'est point perdre la lumière qu'avoir l'amour. Et quel amour! Un amour entièrement fait de vertu. Il n'y a point de cécité où il y a certitude. L'âme à tâtons cherche l'âme et la trouve. Et cette âme trouvée, éprouvée, est une femme. Une main vous soutient, c'est la sienne. Une bouche effleure votre front, c'est sa bouche. Vous entendez une respiration tout près de vous, c'est elle. Tout avoir d'elle, depuis son culte jusqu'à sa pitié, n'être jamais quitté, avoir cette douce faiblesse qui vous secourt, s'appuyer sur ce roseau inébranlable, toucher de ses mains la Providence et pouvoir la prendre dans ses bras. Dieu palpable, quel ravissement! Le cœur, cette céleste fleur obscure, entre dans un épanouissement mystérieux. On ne donnerait pas cette ombre pour toute la clarté. L'âme ange est là, sans cesse là. Si elle s'éloigne, c'est pour revenir. Elle s'efface comme le rêve et reparaît comme la réalité. On sent de la chaleur qui approche, la voilà. On déborde de sérénité, de gaieté et d'extase. On est un rayonnement dans la nuit. Et mille petits soins, des riens qui sont énormes dans ce vide. Les plus ineffables accents de la voix féminine employés à vous bercer et suppléant pour vous à l'univers évanoui. On est caressé avec de l'âme. On ne voit rien, mais on se sent adoré. C'est un paradis de ténèbres. C'est de ce paradis que Monseigneur Bienvenu était passé à l'autre. L'annonce de sa mort fut reproduite par le journal local de Montreuil-sur-Mer. Monsieur Madeleine parut le lendemain tout en noir, avec un crêpe à son chapeau. On remarqua dans la ville ce deuil, et l'on jasa. Cela parut une lueur sur l'origine de Monsieur Madeleine. On en conclut qu'il avait quelque alliance avec le vénérable évêque. « Il drape pour l'évêque de Digne !» dirent les salons. Cela rehaussa fort M. Madeleine et lui donna subitement et d'emblée une certaine considération dans le monde noble de Montreuil-sur-Mer. Le microscopique faubourg Saint-Germain de l'endroit songea à faire cesser la quarantaine de M. Madeleine, parent probable d'un évêque. M. Madeleine s'aperçut de l'avancement qu'il obtenait à plus de révérence des vieilles femmes et à plus de sourire des jeunes. Un soir, une doyenne de ce petit grand monde-là, curieuse par droit d'ancienneté, se hasarda à lui demander « Monsieur le maire est sans doute cousin du feu évêque de Digne ?» Il dit « Non, madame. »« Mais, reprit la douairière, vous emportez le deuil ?» Il répondit « C'est que dans ma jeunesse, j'ai été laquais dans sa famille. » Une remarque qu'on faisait encore, c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville un jeune Savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramoner, monsieur le maire le faisait appeler, lui demandait son nom et lui donnait de l'argent. Les petits Savoyards se le disaient et il en passait beaucoup. Chapitre 5. Vagues éclairs à l'horizon. Peu à peu, et avec le temps, toutes les oppositions étaient tombées. Il y avait eu d'abord contre M. Madeleine, sorte de loi que subissent toujours ceux qui s'élèvent, des noirceurs et des calomnies. Puis ce ne fut plus que des méchancetés. Puis ce ne fut que des malices. Puis cela s'évanouit tout à fait. Le respect devint complet, unanime, cordial. Et il arriva un moment, vers 1821, où ce mot, « Monsieur le maire », fut prononcé à Montreuil-sur-Mer presque du même accent que ce mot « Monseigneur l'évêque » était prononcé à Digne en 1815. On venait de 10 lieues à la ronde consulter M. Madeleine. Il terminait les différends, il empêchait les procès, il réconciliait les ennemis. Chacun le prenait pour juge de son bon droit. Il semblait qu'il eût pour âme le livre de la loi naturelle. Ce fut comme une contagion de vénération, qui, en 6 ou 7 ans, et de proche en proche, gagna tout le pays. Un seul homme, dans la ville et dans l'arrondissement, se déroba absolument à cette contagion, et, quoi que fît le père Madeleine, y trouva rebelle, comme si une sorte d'instinct, incorruptible et imperturbable, l'éveillait et l'inquiétait. Il semblerait en effet qu'il existe dans certains hommes un véritable instinct bestial, pur et intègre comme tous les instincts, qui crée les antipathies et les sympathies, qui sépare fatalement une nature d'une autre nature, qui n'hésite pas, qui ne se trouble, ne se tait et ne se dément jamais, clair dans son obscurité, infaillible, impérieux, réfractaire à tous les conseils de l'intelligence et à tous les dissolvants de la raison, et qui, de quelque façon que les destinées soient faites, avertit secrètement l'homme chien de la présence de l'homme chat, et l'homme renard de la présence de l'homme lion. Souvent, quand M. Madeleine passait dans une rue, calme, affectueux, entouré des bénédictions de tous, il arrivait qu'un homme de haute taille, vêtu d'une redingote gris de fer, armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu, se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu, croisant les bras, secouant lentement la tête et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez, sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? Pour sûr, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je ne suis toujours pas sa dupe. » Ce personnage, grave d'une gravité presque menaçante, était de ceux qui, même rapidement entrevus, préoccupent l'observateur. Il se nommait Javert, et il était de la police. Il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles, mais utile, d'inspecteur. Il n'avait pas vu les commencements de Madeleine. Javert devait le poste qu'il occupait à la protection de M. Chabouillet, le secrétaire du ministre d'État, comte Anglès, alors préfet de police à Paris. Quand Javert était arrivé à Montreuil-sur-Mer, la fortune du grand manufacturier était déjà faite, et le père Madeleine était devenu M. Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se compliquent d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité. Javert avait cette physionomie, moins la bassesse. Dans notre conviction, si les âmes étaient visibles aux yeux, on verrait distinctement cette chose étrange que chacun des individus de l'espèce humaine correspond à quelqu'une des espèces de la création animale. Et l'on pourrait reconnaître aisément cette vérité, à peine entrevue par le penseur, que, depuis l'huître jusqu'à l'aigle, depuis le porc jusqu'au tigre, tous les animaux sont dans l'homme, et que chacun d'eux est dans un homme, quelquefois même plusieurs d'entre eux à la fois. Les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices, errantes devant nos yeux, les fantômes visibles de nos âmes. Dieu nous les montre pour nous faire réfléchir. Seulement, comme les animaux ne sont que des ombres, Dieu ne les a point faits éducables dans le sens complet du mot. À quoi bon ? Au contraire, nos âmes étant des réalités et ayant une fin qui leur est propre, Dieu leur a donné l'intelligence, c'est-à-dire l'éducation possible. L'éducation sociale bien faite peut toujours tirer d'une âme, quelle qu'elle soit, l'utilité qu'elle contient. Ceci soit dit, bien entendu, au point de vue restreint de la vie terrestre apparente, et sans préjuger la question profonde de la personnalité antérieure et ultérieure des êtres qui ne sont pas l'homme. Le moi visible n'autorise en aucune façon le penseur à nier le moi latent. Cette réserve faite, passons. Maintenant, si l'on admet un moment avec nous que dans tout homme il y a une des espèces animales de la création, il nous sera facile de dire ce que c'était que l'officier de paix Javert. Les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de louve, il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi, en grandissant, il dévorerait les autres petits. Donnez une face humaine à ce chien fils d'une louve, et ce sera Javert. Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes. En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était. Il entra dans la police. Il y réussit. À 40 ans, il était inspecteur. Il avait, dans sa jeunesse, été employé dans les chiourmes du Midi. Avant d'aller plus loin, entendons-nous sur ce mot « face humaine » que nous appliquions tout à l'heure à Javert. La face humaine de Javert consistait en un nez camard, avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur ses deux joues d'énormes favoris. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes. Quand Javert riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents, mais ses gencives, et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage, comme sur un mufle de bête fauve. Javert sérieux était un dogue. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoires. Les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils, entre les deux yeux un froncement central permanent comme une étoile de colère, le regard obscur, la bouche pincée et redoutable, l'air du commandement féroce. Cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons, mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer. Le respect de l'autorité, la haine de la rébellion. Et à ses yeux, le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. D'une part, il disait « Le fonctionnaire ne peut se tromper, le magistrat n'a jamais tort. » D'autre part, il disait « Ceux-ci sont irrémédiablement perdus, rien de bon n'en peut sortir. » Il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine je ne sais quel pouvoir de faire, ou, si l'on veut, de constater des damnés et qui mettent un styx au bas de la société. Il était stoïque, sérieux, austère. rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille. Cela était froid et cela perçait. Toute sa vie tenait dans ces deux mots, veiller et surveiller. Il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde. Il avait la conscience de son utilité, la religion de ses fonctions, et il était espion comme on est prêtre. Malheur à qui tombait sous sa main. Il eût arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de ban. Et il l'eût fait avec une sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu. Avec cela, une vie de privation, l'isolement, l'abnégation, la chasteté, jamais une distraction. C'était le devoir implacable. La police, comprise comme les Spartiates, comprenait Sparte. Un guet impitoyable, une honnêteté farouche. Un mouchard marmoréen. Brutus dans Vidocq. Toute la personne de Javert exprimait l'homme qui épie et qui se dérobe. L'école mystique de Joseph de Maistre, laquelle à cette époque assaisonnait de haute cosmogonie ce qu'on appelait les journaux ultra, n'eût pas manqué de dire que Javert était un symbole. On ne voyait pas son front qui disparaissait sous son chapeau. On ne voyait pas ses yeux qui se perdaient sous ses sourcils. On ne voyait pas son menton qui plongeait dans sa cravate. On ne voyait pas ses mains qui rentraient dans ses manches. On ne voyait pas sa canne qu'il portait sous sa redingote. Mais l'occasion venue, on voyait tout à coup sortir de toute cette ombre, comme d'une embuscade, un front anguleux et étroit, un regard funeste, un menton menaçant, des mains énormes et un gourdin monstrueux. À ces moments de loisirs, qui étaient peu fréquents, tout en haïssant les livres, il lisait, ce qui fait qu'il n'était pas complètement illettré. Cela se reconnaissait à quelque emphase dans la parole. Il n'avait aucun vice, nous l'avons dit. Quand il était content de lui, il s'accordait une prise de tabac. Il tenait à l'humanité par là. On comprendra sans peine que Javert était l'effroi de toute cette classe, que la statistique annuelle du ministère de la Justice désigne sous la rubrique « Jean sans aveu ». Le nom de Javert, prononcé, les mettait en déroute. La face de Javert apparaissant les pétrifiait. Tel était cet homme formidable. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine. Œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir. Mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il ne fit pas même une question à Javert. Il ne le cherchait, ni ne l'évitait. Et il portait, sans paraître y faire attention, ce regard gênant et presque pesant. Il traitait Javert comme tout le monde, avec aisance et bonté. À quelques paroles échappées à Javert, on devinait qu'il avait recherché secrètement, avec cette curiosité qui tient à la race et où il entre autant d'instinct que de volonté, toutes les traces antérieures que le père Madeleine avait pu laisser ailleurs. Il paraissait savoir, et il disait parfois à mots couverts, que quelqu'un avait pris certaines informations dans un certain pays sur une certaine famille disparue. Une fois, il lui arriva de dire, se parlant à lui-même, « Je crois que je le tiens. » Puis il resta 3 jours pensif, sans prononcer une parole. Il paraît que le fil qu'il croyait tenir s'était rompu. Du reste, et ceci est le correctif nécessaire à ce que le sens de certains mots pourrait présenter de trop absolu, il ne peut y avoir rien de vraiment infaillible dans une créature humaine, et le propre de l'instinct est précisément de pouvoir être troublé, dépisté et dérouté, sans quoi il serait supérieur à l'intelligence, et la bête, se trouverait avoir une meilleure lumière que l'homme. Javert était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de M. Madeleine. Un jour, pourtant, son étrange manière d'être parut faire impression sur M. Madeleine. Voici à quelle occasion. Chapitre 6. Le père Fauchelevent. M. Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieux homme, nommé le père Fauchelevent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu'eut encore M. Madeleine à cette époque. Lorsque Madeleine était arrivé dans le pays, Fauchelevent, ancien tabellion et paysan presque lettré, avait un commerce qui commençait à aller mal. Fauchelevent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait, tandis que lui, maître, se ruinait. Cela l'avait rempli de jalousie, et il avait fait ce qu'il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine. Puis la faillite était venue, et, vieux, n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval, sans famille et sans enfants du reste, pour vivre, il s'était fait charretier. Le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever. Le vieillard était engagé entre les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée. Le père Fauchelevent poussait des râles lamentables. On avait essayé de le tirer, mais en vain. Un effort désordonné, une aide maladroite, une secousse à faux pouvaient l'achever. Il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par-dessous. Javert, qui était survenu au moment de l'accident, avait envoyé chercher un cric. Monsieur Madeleine arriva. On s'écarta avec respect. « À l'aide !» criait le vieux Fauchelevent. « Qui est-ce qui est bon enfant pour sauver le vieux ?» Monsieur Madeleine se tourna vers les assistants. « A-t-on un cric ?»« On en est allé quérir un, » répondit un paysan. « Dans combien de temps l'aura-t-on ? » ?»« On est allé au plus près, au lieu Flachot, où il y a un maréchal. Mais c'est égal, il faudra bien un bon quart d'heure. »« Un quart d'heure ?» s'écria Madeleine. Il avait plu la veille. Le sol était détrempé. La charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant 5 minutes, il aurait les côtes brisées. « Il est impossible d'attendre un quart d'heure, » dit Madeleine au paysan qui regardait. « Il faut bien. Mais il ne sera plus temps. Vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce ?»« Dame !»« Écoutez, » reprit Madeleine, « il y a encore assez de place sur la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu'une demi-minute et l'on tirera le pauvre homme. » Y a-t-il ici quelqu'un qui ait des reins et du cœur ? Saint-Louis d'Or a gagné. » Personne ne bougea dans le groupe. « 10 louis !» dit Madeleine. Les assistants baissaient les yeux. Un d'eux murmura « Il faudrait être diablement fort, et puis on risque de se faire écraser. »« Allons !» recommença Madeleine. « 20 louis !» Même silence. « Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque, » dit une voix. M. Madeleine se retourna et reconnut Javert. Il ne l'avait pas aperçu en arrivant. Javert continua. « C'est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos. » Puis, regardant fixement M. Madeleine, il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait. « Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Javert ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux Madeleine. « C'était un forçat. »« Ah !» dit Madeleine. du bagne de Toulon. » Madeleine devint pâle. Cependant, la charrette continuant à s'enfoncer lentement, le père Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe! Ça me brise les côtes! Un cric, quelque chose! Ah !» Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie à ce pauvre vieux ?» Aucun des assistants ne remua. Javert reprit. « Je n'ai jamais connu qu'un homme qui pût remplacer un cric. C'était ce forçat. »« Ah, voilà que ça m'écrase !» cria le vieillard. Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de faucon de Javert, toujours attaché sur lui, regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux. Et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. On vit Madeleine, presque à plat ventre sous ce poids effrayant, essayer deux fois en vain de rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui cria « Père Madeleine, retirez-vous de là !» Le vieux Fauchelevent lui-même lui dit « Monsieur Madeleine, allez-vous-en, c'est qu'il faut que je meure, voyez-vous. Laissez-moi, vous allez vous faire écraser aussi. » Madeleine ne répondit pas. Les assistants haletaient. Les roues avaient continué de s'enfoncer, et il était déjà devenu presque impossible que Madeleine sortît de dessous la voiture. Tout à coup, on vit l'énorme masse s'ébranler. La charrette se soulevait lentement. Les roues sortaient à demi de l'ornière. On entendit une voix étouffée qui criait « Dépêchez-vous, aidez !» C'était Madeleine qui venait de faire un dernier effort. Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient. Le vieillard lui baisait le genou et l'appelait le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste. Et il fixait son œil tranquille sur Javert, qui le regardait toujours. Chapitre 7. Fauchelevent devient jardinier à Paris. Fauchelevent s'était démis la rotule dans sa chute. Le père Madeleine le fit transporter dans une infirmerie qu'il avait établie pour ses ouvriers dans le bâtiment même de sa fabrique et qui était desservie par 2 sœurs de charité. Le lendemain matin, le vieillard trouva un billet de 1 000 francs sur sa table de nuit avec ce mot de la main du père Madeleine « Je vous achète votre charrette et votre cheval ». La charrette était brisée et le cheval était mort. Fauchelevent guérit, mais son genou resta ankylosé. Monsieur Madeleine, par les recommandations des sœurs et de son curé, fit placer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier Saint-Antoine à Paris. Quelque temps après, monsieur Madeleine fut nommé maire. La première fois que Javert vit monsieur Madeleine revêtu de l'écharpe qui lui donnait toute autorité sur la ville, il éprouva cette sorte de frémissement qu'éprouverait un dogue qui flairerait un loup sous les habits de son maître. À partir de ce moment, il l'évita le plus qu'il put. Quand les besoins du service l'exigeaient impérieusement et qu'il ne pouvait faire autrement que de se trouver avec monsieur le maire, il lui parlait avec un respect profond. Cette prospérité créée à Montreuil-sur-Mer par le père Madeleine avait, outre les signes visibles que nous avons indiqués, un autre symptôme qui, pour n'être pas visible, n'était pas moins significatif. Ceci ne trompe jamais. Quand la population souffre, quand le travail manque, quand le commerce est nul, le contribuable résiste à l'impôt par pénurie, épuise et dépasse les délais. Et l'État dépense beaucoup d'argent en frais de contrainte et de rentrée. Quand le travail abonde, quand le pays est heureux et riche, l'impôt se paie aisément et coûte peu à l'État. On peut dire que la misère et la richesse publique ont un thermomètre infaillible, les frais de perception de l'impôt. En 7 ans, les frais de perception de l'impôt s'étaient réduits des 3/4 dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Ce qui faisait fréquemment citer cet arrondissement entre tous par M. de Villèle, alors ministre des Finances. Telle était la situation du pays lorsque Fantine y revint. Personne ne se souvenait plus d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de M. Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Le métier était tout nouveau pour Fantine. Elle n'y pouvait être bien adroite. Elle ne tirait donc de sa journée de travail que peu de choses. Mais enfin, cela suffisait. Le problème était résolu. Elle gagnait sa vie. Chapitre 8. Madame Victurien dépense 35 francs pour la morale. Quand Fantine vit qu'elle vivait, elle eut un moment de joie. Vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel! Le goût du travail lui revint vraiment. Elle acheta un miroir, se réjouit d'y regarder sa jeunesse, ses beaux cheveux et ses belles dents. Oublia beaucoup de choses, ne songea plus qu'à sa Cosette et à l'avenir possible, et fut presque heureuse. Elle loua une petite chambre et la meubla à crédit sur son travail futur. Reste de ses habitudes de désordre. Ne pouvant pas dire qu'elle était mariée, elle s'était bien gardée, comme nous l'avons déjà fait entrevoir, de parler de sa petite fille. En ses commencements, on l'a vu, elle payait exactement les Thénardier. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent. Cela fut remarqué. On commença à dire tout bas dans l'atelier des femmes que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures. Il n'y a rien de tel pour épier les actions des gens que ceux qu'elles ne regardent pas. Pourquoi ce monsieur ne vient-il jamais qu'à la brune? Pourquoi monsieur un tel n'accroche-t-il jamais sa clé au clou le jeudi? Pourquoi prend-il toujours les petites rues? Pourquoi madame descend-elle toujours de son fiacre avant d'arriver à la maison? Pourquoi envoie-t-elle acheter un cahier de papier à lettres quand elle en a plein sa papeterie? Etc., etc. Il existe des êtres qui, pour connaître le mot de ces énigmes, lesquelles leur sont du reste parfaitement indifférentes, dépensent plus d'argent, prodiguent plus de temps, se donnent plus de peine qu'il n'en faudrait pour 10 bonnes actions, et cela gratuitement, pour le plaisir, sans être payé de la curiosité autrement que par la curiosité. Ils suivront celui-ci ou celle-là des jours entiers, feront faction des heures à des coins de rue, sous des portes d'allées, la nuit, par le froid et par la pluie, corrompront des commissionnaires, griseront des cochers de fiacre et des laquais, achèteront une femme de chambre, feront acquisition d'un portier. Pourquoi? Pour rien. Pur acharnement de voir, de savoir et de pénétrer. Pure démangeaison de dire. Et souvent ces secrets connus, ces mystères publiés, ces énigmes éclairées du grand jour, entraînent des catastrophes, des duels, des faillites, des familles ruinées, des existences brisées, à la grande joie de ceux qui ont tout découvert, sans intérêt et par pur instinct. Chose triste. Certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler. Leur conversation, causerie dans le salon, bavardage dans l'antichambre, est comme ces cheminées qui usent vite le bois. Il leur faut beaucoup de combustible, et le combustible, c'est le prochain. On observa donc Fantine. Avec cela, plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches. On constata que dans l'atelier, au milieu des autres, elle se détournait souvent pour essuyer une larme. C'était les moments où elle songeait à son enfant, peut-être aussi à l'homme qu'elle avait aimé. C'est un douloureux labeur que la rupture des sombres attaches du passé. On constata qu'elle écrivait, au moins 2 fois par mois, toujours à la même adresse, et qu'elle affranchissait la lettre. On parvint à se procurer l'adresse. Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. On fit jaser au cabaret l'écrivain public, vieux bonhomme qui ne pouvait pas emplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Ce devait être une espèce de fille. Il se trouva une commère qui fit le voyage de Montfermeil, parla au Thénardier et dit à son retour « Pour mes 35 francs, j'en ai eu le cœur net, j'ai vu l'enfant. » La commère qui fit cela était une gorgone appelée Madame Victurnia, gardienne et portière de la vertu de tout le monde. Madame Victurnia avait 56 ans et doublait le masque de la laideur du masque de la vieillesse. Voix chevrotante, esprit capricorn. Cette vieille femme avait été jeune, chose étonnante. Dans sa jeunesse, en plein 93, elle avait épousé un moine échappé du cloître en bonnet rouge et passé des Bernardins aux Jacobins. Elle était sèche, rêche, revêche, pointue, épineuse, presque venimeuse. Tout en se souvenant de son moine dont elle était veuve et qu'il avait fort dompté et plié. C'était une ortie où l'on voyait le froissement du froc. À la restauration, elle s'était faite bigote et si énergiquement que les prêtres lui avaient pardonné son moine. Elle avait un petit bien qu'elle léguait bruyamment à une communauté religieuse. Elle était fort bien vue à l'évêché d'Arras. Cette Madame Victurnia, donc, alla à Montfermeil et revint en disant « J'ai vu l'enfant ». Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'un an à la fabrique. Lorsqu'un matin, la surveillante de l'atelier lui remit, de la part de Monsieur le maire, 50 francs, en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant, de la part de Monsieur le maire, à quitter le pays. C'était précisément dans ce même mois que les Thénardier, après avoir demandé 12 francs au lieu de 6, venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12. Fantine fut atterrée. Elle ne pouvait s'en aller du pays. Elle devait son loyer et ses meubles. 50 francs ne suffisaient pas pour acquitter cette dette. Elle balbutia quelques mots suppliants. La surveillante lui signifia qu'elle eut à sortir sur-le-champ de l'atelier. Fantine n'était du reste qu'une ouvrière médiocre. Accablée de honte plus encore que de désespoir, elle quitta l'atelier et rentra dans sa chambre. Sa faute était donc maintenant connue de tous. Elle ne se sentit plus la force de dire un mot. On lui conseilla de voir Monsieur le maire, elle n'osa pas. Monsieur le maire lui donnait 50 francs parce qu'il était bon et la chassait parce qu'il était juste. Elle plia sous cet arrêt. Chapitre 9. Succès de Madame Victurnia. La veuve du moine fut donc bonne à quelque chose. Du reste, M. Madeleine n'avait rien su de tout cela. Ce sont là de ces combinaisons d'événements dont la vie est pleine. M. Madeleine avait pour habitude de n'entrer presque jamais dans l'atelier des femmes. Il avait mis à la tête de cet atelier une vieille fille que le curé lui avait donnée et il avait toute confiance dans cette surveillante. Personne vraiment respectable, ferme, équitable, intègre, remplie de la charité qui consiste à donner, mais n'ayant pas au même degré la charité qui consiste à comprendre et à pardonner. Monsieur Madeleine se remettait de tout sur elle. Les meilleurs hommes sont souvent forcés de déléguer leur autorité. C'est dans cette pleine puissance et avec la conviction qu'elle faisait bien que la surveillante avait instruit le procès, jugé, condamné et exécuté Fantine. Quant aux 50 francs, elle les avait donnés sur une somme que M. Madeleine lui confiait pour aumône et secours aux ouvrières et dont elle ne rendait pas compte. Fantine s'offrit comme servante dans le pays. Elle alla d'une maison à l'autre. Personne ne voulut d'elle. Elle n'avait pu quitter la ville. Le marchand fripier auquel elle devait ses meubles, quels meubles, lui avait dit « Si vous vous en allez, je vous fais arrêter comme voleuse ». Le propriétaire auquel elle devait son loyer lui avait dit « Vous êtes jeune et jolie, vous pouvez payer ». Elle partagea les 50 francs entre le propriétaire et le fripier, rendit au marchand les 3/4 de son mobilier, ne garda que le nécessaire, et se trouva sans travail, sans état, n'ayant plus que son lit, et devant environ encore 100 francs. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison et gagnait 12 sous par jour. Sa fille lui en coûtait 10. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier. Cependant, une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir lui enseigna l'art de vivre dans la misère. Derrière vivre de peu, il y a vivre de rien. Ce sont 2 chambres, la première est obscure, la seconde est noire. Fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver, comment on renonce à un oiseau qui vous mange un liard de millet tous les 2 jours, comment on fait de son jupon sa couverture et de sa couverture son jupon, comment on ménage sa chandelle en prenant son repas à la lumière de la fenêtre d'en face. On ne sait pas tout ce que certains êtres faibles, qui ont vieilli dans le dénuement et l'honnêteté, savent tirer d'un sou. Cela finit par être un talent. Fantine acquit ce sublime talent et reprit un peu de courage. À cette époque, elle disait à une voisine « Bah, je me dis, en ne dormant que 5 heures et en travaillant tout le reste à mes coutures, je parviendrai bien toujours à gagner à peu près du pain. Et puis, quand on est triste, on mange moins. » Eh bien, des souffrances, des inquiétudes, un peu de pain d'un côté, des chagrins de l'autre, tout cela me nourrira. Dans cette détresse, avoir sa petite fille eût été un étrange bonheur. Elle songea à la faire venir. Mais quoi ? Lui faire partager son dénuement ? Et puis, elle devait au Thénardier. Comment s'acquitter ? Et le voyage, comment le payer ? La vieille, qui lui avait donné ce qu'on pourrait appeler des leçons de vie indigente, était une sainte fille, nommée Marguerite, dévote de la bonne dévotion, pauvre et charitable pour les pauvres, et même pour les riches, sachant tout juste assez écrire pour signer Marguerite, et croyant en Dieu, ce qui est la science. Il y a beaucoup de ces vertus-là en bas. Un jour, elles seront en haut. Cette vie a un lendemain. Dans les premiers temps, Fantine avait été si honteuse qu'elle n'avait pas osé sortir. Quand elle était dans la rue, elle devinait qu'on se retournait derrière elle et qu'on la montrait du doigt. Tout le monde la regardait et personne ne la saluait. Le mépris âcre et froid des passants lui pénétrait dans la chair et dans l'âme comme une bise. Dans les petites villes, il semble qu'une malheureuse soit nue sous les sarcasmes et la curiosité de tous. À Paris, du moins, personne ne vous connaît, et cette obscurité est un vêtement. Oh, comme elle eût souhaité venir à Paris! Impossible. Il fallut bien s'accoutumer à la déconsidération, comme elle s'était accoutumée à l'indigence. Peu à peu, elle en prit son parti. Après 2 ou 3 mois, elle secoua la honte et se remit à sortir comme si de rien n'était. « Cela m'est bien égal, » dit-elle. Elle alla et vint, la tête haute, avec un sourire amer, et sentit qu'elle devenait effrontée. Madame Victurnien, quelquefois, la voyait passer de sa fenêtre. Remarquait la détresse de cette créature, grâce à elle remise à sa place, et se félicitait. Les méchants ont un bonheur noir. L'excès du travail fatiguait Fantine, et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta. Elle disait quelquefois à sa voisine Marguerite « Tâtez donc comme mes mains sont chaudes !» Cependant, le matin, quand elle peignait avec un vieux peigne cassé ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche, elle avait une minute de coquetterie heureuse. Chapitre 10. Suite du succès. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jours courts, moins de travail. L'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi. Le soir touche au matin. Brouillard, crépuscule, la fenêtre est grise, on n'y voit pas clair. Le ciel est un soupirail. Toute la journée est une cave. Le soleil a l'air d'un pauvre. L'affreuse saison. L'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme. Ses créanciers la harcelaient. Fantine gagnait peu. Ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya aux Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continua de frissonner. Fantine pensa « Mon enfant n'a plus froid, je l'ai habillée de mes cheveux. » Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle. Elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine. Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassée et qu'il était la cause de son malheur, elle en vint à le haïr lui aussi, lui surtout. Quand elle passait devant la fabrique, aux heures où les ouvriers sont sur la porte, elle affectait de rire et de chanter. Une vieille ouvrière qui la vit une fois chanter et rire de cette façon dit « Voilà une fille qui finira mal ». Elle prit un amant, le premier venu, un homme qu'elle n'aimait pas, par bravade, avec la rage dans le cœur. C'était un misérable, une espèce de musicien mendiant, un oisif gueux, qui la battait, et qui la quitta comme elle l'avait pris, avec dégoût. Elle adorait son enfant. Plus elle descendait, plus tout devenait sombre autour d'elle, plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme. Elle disait « Quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi. » Et elle riait. La toux ne la quittait pas et elle avait des sueurs dans le dos. Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. « Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays, une fièvre militaire qu'ils appellent. Il faut des drogues chères. Cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer. » Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. » Elle se mit à rire aux éclats et elle dit à sa vieille voisine « Ah, ils sont bons, 40 francs, que ça, ça fait 2 napoléons. Où veulent-ils que je les prenne? Sont-ils bêtes, ces paysans ?» Cependant, elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut la lettre. Puis elle descendit l'escalier et sortit en courant et en sautant, riant toujours. Quelqu'un qui la rencontra lui dit « Qu'est-ce que vous avez donc à être si gai ?» Elle répondit « C'est une bonne bêtise que viennent me décrire des gens de la campagne. Ils me demandent 40 francs. Paysan, va !» Comme elle passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre, sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge. C'était un batteleur dentiste en tournée qui offrait au public des râteliers complets, des opiats, des poudres et des élixirs. Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque 1 napoléon d'or. »« Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. « Les palettes, reprit le professeur dentiste, c'est les dents de devant, les 2 d'en haut. »« Quelle horreur !» s'écria Fantine. « 2 napoléons !» grommela une vieille édentée qui était là. « Qu'en voilà une qui est heureuse !» Fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait « Réfléchissez, la belle, 2 napoléons, ça peut servir. Si le cœur vous en dit, venez ce soir à l'auberge du Tillac d'Argent, vous m'y trouverez. » Fantine rentra. Elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite. « Comprenez-vous cela? Ne voilà-t-il pas un abominable homme? Comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays? M'arracher mes 2 dents de devant, mais je serais horrible! Les cheveux repoussent, mais les dents... Ah, le monstre d'homme! J'aimerais mieux me jeter d'un 5e la tête la première sur le pavé. Il m'a dit qu'il serait ce soir au Tillac d'Argent. » « Et qu'est-ce qu'il offrait ?» demanda Marguerite. « 2 napoléons. »« Cela fait 40 francs. »« Oui, dit Fantine, cela fait 40 francs. » Elle resta pensive et se mit à son ouvrage. Au bout d'un quart d'heure, elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l'escalier. En rentrant, elle dit à Marguerite qui travaillait près d'elle « Qu'est-ce que c'est donc que cela, une fièvre militaire, savez-vous ? Oui, répondit la vieille fille, c'est une maladie. Ça a donc besoin de beaucoup de drogues ? Oh, des drogues terribles. Où ça vous prend-il ? C'est une maladie qu'on a comme ça. Cela attaque donc les enfants ? Surtout les enfants. Est-ce qu'on en meurt ? Très bien, dit Marguerite. Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier. Le soir, elle descendit et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges. Le lendemain matin, comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour, car elles travaillaient toujours ensemble et de cette façon n'allumaient qu'une chandelle pour 2, elle trouva Fantine assise sur son lit, pâle, glacée. Elle ne s'était pas couchée. Son bonnet était tombé sur ses genoux. La chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria « Seigneur, la chandelle qui est toute brûlée! Il s'est passé des événements !» Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine, depuis la veille, avait vieilli de 10 ans. « Jésus !» fit Marguerite. « Qu'est-ce que vous avez, Fantine ?»« Je n'ai rien, » répondit Fantine. « Au contraire, mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie, faute de secours. Je suis contente. » En parlant ainsi, elle montrait à la vieille fille deux napoléons qui brillaient sur la table. « Ah, Jésus-Christ !» dit Marguerite. « Mais c'est une fortune ! Où avez-vous eu ces louis d'or ?»« Je les ai eus, » répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche. Les deux dents étaient arrachées. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Depuis longtemps, elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit. Un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête. Le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus. Elle n'avait plus de lit. Il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin, oublié. Dans l'autre coin, il y avait un pot à beurre à mettre l'eau, qui gelait l'hiver, et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace. Elle avait perdu la honte. Elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales. Soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses souliers. Cela se voyait à de certains plis perpendiculaires. Elle rapiéçait son corset, vieux et usé, avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour. Mais un entrepreneur du travail des prisons, qui faisait travailler les prisonnières au rabais, fit tout à coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Le fripier, qui avait repris presque tous les meubles, lui disait sans cesse « Quand me paieras-tu, coquine ?» Que voulait-on d'elle, bon Dieu ? Elle se sentait traquée. Et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté, et qu'il lui fallait 100 francs, tout de suite. Sinon, qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine. « Mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour ?»« Allons, » dit-elle, « vendons le reste. » L'infortunée se fit fille publique. Chapitre 11. Christus nos liberavit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine ? C'est la société achetant une esclave. À qui ? À la misère. À la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux. Une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte. La sainte loi de Jésus-Christ gouverne notre civilisation, mais elle ne la pénètre pas encore. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours. Mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s'appelle prostitution. Il pèse sur la femme, c'est-à-dire sur la grâce, sur la faiblesse, sur la beauté,

tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police. Elle en fait ce qu'elle veut, les punit comme bon lui semble, et confisque à son gré ces deux tristes choses qu'elles appellent leur industrie et leur liberté. Javert était impassible. Son visage sérieux ne trahissait aucune émotion. Pourtant, il était gravement et profondément préoccupé. C'était un de ces moments où il exerçait sans contrôle, mais avec tous les scrupules d'une conscience sévère, son redoutable pouvoir discrétionnaire. En cet instant, il le sentait, son escabeau d'agent de police était un tribunal. Il jugeait et il condamnait. Il appelait tout ce qu'il pouvait avoir d'idées dans l'esprit autour de la grande chose qu'il faisait. Plus il examinait le fait de cette fille, plus il se sentait révolté. Il était évident qu'il venait de voir commettre un crime. Il venait de voir, là, dans la rue, la société, représentée par un propriétaire électeur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Il avait vu cela, lui, Javert. Il écrivait en silence. Quand il eut fini, il signa, plia le papier et dit au sergent du poste en le lui remettant « Prenez trois hommes et menez cette fille au bloc. » Puis se tournant vers la Fantine « Tu en as pour 6 mois. » La malheureuse tressaillit. 6 mois. 6 mois de prison. 6 mois à gagner 7 sous par jour. Mais que deviendra Cosette? Ma fille, ma fille! Mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier, monsieur l'inspecteur. Savez-vous cela? Elle se traîna sur la dalle mouillée par les bottes boueuses de tous ces hommes, sans se lever, joignant les mains, faisant de grands pas avec ses genoux. Monsieur Javert, dit-elle, je vous demande grâce. Je vous assure que je n'ai pas eu tort. Si vous aviez vu le commencement, vous auriez vu. Je vous jure, le bon Dieu, que je n'ai pas eu tort. C'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas, qui m'a mis de la neige dans le dos. Est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme cela, tranquillement, sans faire de mal à personne? Cela m'a saisi. Je suis un peu malade, voyez-vous. Et puis, il y avait déjà un peu de temps qu'il me disait des raisons. Tu es laide, tu n'as pas de dents. Je le sais bien que je n'ai plus mes dents. Je ne faisais rien, moi. Je disais... C'est un monsieur qui s'amuse. J'étais honnête avec lui, je ne lui parlais pas. C'est à cet instant-là qu'il m'a mis de la neige. Monsieur Javert, mon bon monsieur l'inspecteur, est-ce qu'il n'y a personne là qui ait vu pour vous dire que c'est bien vrai? J'ai peut-être eu tort de me fâcher. Vous savez, dans le premier moment, on n'est pas maître, on a des vivacités. Et puis... quelque chose de si froid qu'on vous met dans le dos à l'heure que vous ne vous y attendez pas. J'ai eu tort d'abîmer le chapeau de ce monsieur. Pourquoi s'est-il en allé? Je lui demanderai pardon. Oh mon Dieu, cela me serait bien égal de lui demander pardon. Faites-moi grâce pour aujourd'hui, cette fois, monsieur Javert. Tenez, vous ne savez pas ça. Dans les prisons, on ne gagne que 7 sous. Ce n'est pas la faute du gouvernement, mais on gagne 7 sous. Et figurez-vous que j'ai 100 francs à payer, ou autrement on me renverra ma petite. Oh mon Dieu, je ne peux pas l'avoir avec moi. C'est si vilain ce que je fais. Oh ma Cosette, oh mon petit ange de la bonne Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle deviendra, pauvre loup? Je vais vous dire, chez les Thénardier, des aubergistes, des paysans, ça n'a pas de raisonnement. Il leur faut de l'argent. Ne me mettez pas en prison. Voyez-vous, c'est une petite qu'on mettrait à même sur la grande route. Va comme tu pourras, en plein cœur d'hiver. Il faut avoir pitié de cette chose-là, mon bon monsieur Javert. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie, mais ça ne peut pas à ces âges-là. Je ne suis pas une mauvaise femme, au fond. Ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça. J'ai bu de l'eau de vie, c'est par misère, je ne l'aime pas. Mais cela étourdit. Quand j'étais plus heureuse, on n'aurait eu qu'à regarder dans mes armoires. On aurait bien vu que je n'étais pas une femme coquette qui a du désordre. J'avais du linge, beaucoup de linge. Ayez pitié de moi, monsieur Javert. » Elle parlait ainsi, brisée en deux, secouée par les sanglots, aveuglée par les larmes, la gorge nue, se tordant les mains, toussant d'une toux sèche et courte, balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie. La grande douleur est un rayon divin et terrible qui transfigure les misérables. À ce moment-là, la Fantine était redevenue belle. À de certains instants, elle s'arrêtait et baisait tendrement le bas de la redingote du mouchard. Elle eût attendri un cœur de granit, mais on n'attendrit pas un cœur de bois. « Allons, dit Javert, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit? Marche à présent, tu as tes 6 mois. Le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien. » À cette solennelle parole, « Le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien. » Elle comprit que l'arrêt était prononcé. Elle s'affaissa sur elle-même en murmurant « Grâce !» Javert tourna le dos. Les soldats la saisirent par les bras. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui. Il avait refermé la porte, s'y était adossé et avait entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse, qui ne voulait pas se lever, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit « Un instant, s'il vous plaît. » Javert leva les yeux et reconnut M. Madeleine. Il ôta son chapeau et saluant avec une sorte de gaucherie fâchée « Pardon, monsieur le maire. » Ce mot « monsieur le maire » fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout tout d'une pièce comme un spectre qui sort de terre, repoussa les soldats des deux bras, marcha droit à M. Madeleine avant qu'on eût pu la retenir, et le regardant fixement, l'air égaré, elle cria « Ah, c'est donc toi qui es monsieur le maire !» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine s'essuya le visage et dit « Inspecteur Javert, « mettez cette femme en liberté. » Javert se sentit au moment de devenir fou. Il éprouvait en cet instant, coup sur coup, et presque mêlés ensemble, les plus violentes émotions qu'il eût ressenties de sa vie. Voir une fille publique cracher au visage d'un maire, cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables, il eût regardé comme un sacrilège de le croire possible. D'un autre côté, dans le fond de sa pensée, il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire. Et alors il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat. Mais quand il vit ce maire, ce magistrat, s'essuyer tranquillement le visage et dire « Mettez cette femme en liberté », il eut comme un éblouissement de stupeur. La pensée et la parole lui manquèrent également. La somme de l'étonnement possible était dépassée pour lui. Il resta muet. Ce mot n'avait pas porté un coup moins étrange à la Fantine. Elle leva son bras nu et se cramponna à la clé du poêle comme une personne qui chancelle. Cependant, elle regardait tout autour d'elle et elle se mit à parler à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « En liberté, qu'on me laisse aller, que je n'aille pas en prison 6 mois. Qui est-ce qui a dit cela? Il n'est pas possible qu'on ait dit cela. J'ai mal entendu. Ça ne peut pas être ce monstre de maire. Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté? Oh, voyez-vous, je vais vous dire, et vous me laisserez aller. Ce monstre de maire, ce vieux gredin de maire, c'est lui qui est cause de tout. Figurez-vous, monsieur Javert, qu'il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Si ce n'est pas là une horreur, renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage. Alors, je n'ai plus gagné assez et tout le malheur est venu. D'abord, il y a une amélioration que ces messieurs de la police devraient bien faire. Ce serait d'empêcher les entrepreneurs des prisons de faire du tort aux pauvres gens. Je vais vous expliquer cela, voyez-vous. Vous gagnez 12 sous dans les chemises. Cela tombe à 9 sous. Il n'y a plus moyen de vivre. Il faut donc devenir ce qu'on peut. Moi, j'avais ma petite Cosette. J'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme. Vous comprenez à présent que c'est ce gueux de mère qui a tout fait le mal. Après cela, j'ai piétiné le chapeau de ce monsieur bourgeois devant le café des officiers. Mais lui, il m'avait perdu toute ma robe avec sa neige. Nous autres, nous n'avons qu'une robe de soie pour le soir. Voyez-vous, je n'ai jamais fait de mal exprès. Vrai, monsieur Javert. Et je vois partout des femmes bien plus méchantes que moi, qui sont bien plus heureuses. Oh, monsieur Javert, c'est vous qui avez dit qu'on me mette dehors, n'est-ce pas? Prenez des informations, parlez à mon propriétaire. Maintenant, je paie mon terme. On vous dira bien que je suis honnête. Ah, oh, mon Dieu, je vous demande pardon. J'ai touché, sans faire attention, à la clé du poêle, et cela fait fumer. Monsieur Madeleine l'écoutait avec une attention profonde. Pendant qu'elle parlait, il avait fouillé dans son gilet, en avait tiré sa bourse et l'avait ouverte. Elle était vide. Il l'avait remise dans sa poche. Il dit à la Fantine. « Combien avez-vous dit que vous deviez ?» La Fantine, qui ne regardait que Javert, se retourna de son côté. « Est-ce que je te parle à toi ?» Puis, s'adressant aux soldats, « Dites donc, vous autres, avez-vous vu comme je te lui ai craché à la figure ?»« Ah, vieux scélérat de mer, tu viens ici pour me faire peur, mais je n'ai pas peur de toi. »« J'ai peur de monsieur Javert. J'ai peur de mon bon monsieur Javert. » En parlant ainsi, elle se retourna vers l'inspecteur. « Avec ça, voyez-vous, monsieur l'inspecteur, il faut être juste. Je comprends que vous êtes juste, monsieur l'inspecteur. Au fait, c'est tout simple. » Un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos d'une femme, ça les faisait rire, les officiers. Il faut bien qu'on se divertisse à quelque chose. Nous autres, nous sommes là pour qu'on s'amuse, quoi. Et puis, vous, vous venez, vous êtes bien forcés de mettre l'ordre. Vous emmenez la femme qui a tort. Mais en y réfléchissant, comme vous êtes bon, vous dites qu'on me mette en liberté. C'est pour la petite. Parce que 6 mois en prison, cela m'empêcherait de nourrir mon enfant. « Seulement, on n'y revient plus, coquine. »« Oh, je n'y reviendrai plus, monsieur Javert. On me fera tout ce qu'on voudra maintenant. Je ne bougerai plus. Seulement, aujourd'hui, voyez-vous, j'ai crié parce que cela m'a fait mal. Je ne m'attendais pas du tout à cette neige de ce monsieur. Et puis, je vous ai dit, je ne me porte pas très bien. Je tousse. J'ai là dans l'estomac comme une boule qui me brûle. Que le médecin me dit, soignez-vous. Tenez. « Tâtez, donnez votre main. N'ayez pas peur. C'est ici. » Elle ne pleurait plus. Sa voix était caressante. Elle appuyait sur sa gorge blanche et délicate la grosse main rude de Javert, et elle le regardait en souriant. Tout à coup, elle rajusta vivement le désordre de ses vêtements, fit retomber les plis de sa robe, qui, en se traînant, s'était relevée presque à la hauteur du genou. Et marcha vers la porte en disant à demi-voix aux soldats, avec un signe de tête amical, « Les enfants, monsieur l'inspecteur a dit, qu'on me lâche, je m'en vas. » Elle mit la main sur le loquet. Un pas de plus, elle était dans la rue. Javert, jusqu'à cet instant, était resté debout, immobile, l'œil fixé à terre, posé de travers au milieu de cette scène, comme une statue dérangée, qui attend qu'on la mette quelque part. Le bruit que fit le loquet le réveilla. Il releva la tête avec une expression d'autorité souveraine, expression toujours d'autant plus effrayante que le pouvoir se trouve placé plus bas, féroce chez la bête fauve, atroce chez l'homme de rien. « Sergent ! » cria-t-il, « vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va ? Qui est-ce qui vous a dit de la laisser aller ?»« Moi !» dit Madeleine. La Fantine, à la voix de Javert, avait tremblé et lâché le loquet comme un voleur pris lâche l'objet volé. À la voix de Madeleine, elle se retourna Et à partir de ce moment, sans qu'elle prononçât un mot, sans qu'elle osât même laisser sortir son souffle librement, son regard alla tour à tour de Madeleine à Javert et de Javert à Madeleine, selon que c'était l'un ou l'autre qui parlait. Il était évident qu'il fallait que Javert eût été, comme on dit, jeté hors des gonds pour qu'il se fût permis d'apostropher le sergent comme il l'avait fait, après l'invitation du maire de mettre Fantine en liberté. En était-il venu à oublier la présence de monsieur le maire? Avait-il fini par se déclarer à lui-même qu'il était impossible qu'une autorité eût donné un pareil ordre, et que bien certainement monsieur le maire avait dû dire sans le vouloir une chose pour une autre? Ou bien, devant les énormités dont il était témoin depuis 2 heures, se disait-il, qu'il fallait revenir aux suprêmes résolutions, qu'il était nécessaire que le petit se fît grand, que le mouchard se transformât en magistrat, que l'homme de police devint homme de justice, et qu'en cette extrémité prodigieuse, l'ordre, la loi, la morale, le gouvernement, la société tout entière, se personnifiait en lui, Javert. Quoi qu'il en soit, quand monsieur Madeleine eut dit ce « moi » qu'on vient d'entendre, on vit l'inspecteur de police Javert se tourner vers monsieur le maire. Pâle, froid, les lèvres bleues, le regard désespéré, tout le corps agité d'un tremblement imperceptible, et, chose inouïe, lui dire, l'œil baissé mais la voix ferme, « Monsieur le maire, cela ne se peut pas. »« Comment ?» dit monsieur Madeleine. « Cette malheureuse a insulté un bourgeois. » « Inspecteur Javert, » repartit monsieur Madeleine avec un accent conciliant et calme, « écoutez, vous êtes un honnête homme et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Voici le vrai. Je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme. Il y avait encore des groupes. Je me suis informé, j'ai tout su. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, eût dû être arrêté. » Javert reprit. « Cette misérable vient d'insulter monsieur le maire. »« Ceci me regarde, » dit monsieur Madeleine. « Mon injure est à moi, peut-être. J'en puis faire ce que je veux. » »« Je demande pardon à monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui. Elle est à la justice. »« Inspecteur Javert, » répliqua monsieur Madeleine. « La première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme. Je sais ce que je fais. » « Et moi, monsieur le maire, je ne sais pas ce que je vois. »« Alors, contentez-vous d'obéir. » »« J'obéis à mon devoir. Mon devoir veut que cette femme fasse 6 mois de prison. » Monsieur Madeleine répondit avec douceur. « Écoutez bien ceci. Elle n'en fera pas un jour. » À cette parole décisive, Javert osa regarder le maire fixement. Il lui dit, mais avec un son de voix toujours profondément respectueux, « Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire. C'est la première fois de ma vie, mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions. Je reste, puisque monsieur le maire le veut, dans le fait du bourgeois. J'étais là. C'est cette fille qui s'est jetée sur monsieur Barmatabois, qui est électeur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade, à 3 étages et tout en pierre de taille. Enfin, il y a des choses dans ce monde. Quoi qu'il en soit, monsieur le maire, cela, c'est un fait de police de la rue qui me regarde, et je retiens la femme Fantine. » Alors monsieur Madeleine croisa les bras et dit avec une voix sévère, que personne dans la ville n'avait encore entendu. Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 11, 15 et 66 du Code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. Javert voulut tenter un dernier effort. Mais, monsieur le maire, « Je vous rappelle, à vous, L'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez. Plus un mot. Pourtant. Sortez, dit Monsieur Madeleine. Javert reçut le coup, debout, de face et en pleine poitrine, comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre Monsieur le maire et sortit. Fantine se rangea de la porte et le regarda avec stupeur passer devant elle. Cependant, elle aussi était en proie à un bouleversement étrange. Elle venait de se voir, en quelque sorte, disputée par deux puissances opposées. Elle avait vu lutter devant ses yeux deux hommes tenant dans leurs mains sa liberté, sa vie, son âme, son enfant. L'un de ces hommes la tirait du côté de l'ombre, l'autre la ramenait vers la lumière. Dans cette lutte, entrevue à travers les grossissements de l'épouvante, ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants. L'un parlait comme son démon, l'autre parlait comme son bon ange. L'ange avait vaincu le démon et, chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait, ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ses maux, ce Madeleine. Et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse, il la sauvait. S'était-elle donc trompée? Devait-elle donc changer toute son âme? Elle ne savait. Elle tremblait. Elle écoutait éperdue. Elle regardait effarée. Et à chaque parole que disait M. Madeleine, elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres de la haine, et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable, qui était de la joie, de la confiance et de l'amour. Quand Javert fut sorti, M. Madeleine se tourna vers elle et lui dit avec une voix lente, ayant peine à parler, comme un homme sérieux qui ne veut pas pleurer. Je vous ai entendu. Je ne savais rien de ce que vous avez dit. Je crois que c'est vrai et je sens que c'est vrai. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi? Mais voici, je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant ou vous irez la rejoindre. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus si vous voulez. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra. Vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse. Et même, écoutez, je vous le déclare dès à présent. Si tout est comme vous le dites, et je n'en doute pas, vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant Dieu. Oh, pauvre femme! C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Avoir Cosette! Sortir de cette vie infâme! Vivre libre, riche, heureuse, honnête, avec Cosette! Voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis? Elle regarda comme hébété cet homme qui lui parlait et ne put que jeter deux ou trois sanglots. Oh, oh, oh. Ses jarrets plièrent. Elle se mit à genoux devant M. Madeleine. Et, avant qu'il eût pu l'en empêcher, il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient. Puis elle s'évanouit.